It's Studek Web. Il est midi, merci d'être avec nous sur Studek Web. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des titulaires. Au sommaire, Roland Garros, les quarts de finale hommes interrompus hier à cause de la pluie et vont reprendre dans quelques minutes, à 12h15 exactement. Si le match entre Cilic et Del Potro est très équilibré avec 5 points partout dans le tie-break du premier set, la grosse surprise est sur le Philippe Chatrier avec Nadal qui a perdu un set face à Schwartzman. À suivre également aujourd'hui les demi-finales femmes. On reviendra après sur la quinzaine des Français assez malheureuse. Gros volet football, à suivre les matchs de préparation de la Coupe du Monde, nos favoris. On parlera de l'équipe de France avec notamment un certain commentateur de Canal+, David Berger. Bonjour David. Bonjour à tous. Évidemment, vous reviendrez avec nous sur l'actualité foot, mais aussi sur votre parcours. Et évidemment, on évoquera la perte des droits de diffusion du football pour la chaîne Canal+. On essaiera aussi d'avoir Christophe Dugarry qui nous parlera de l'équipe de France. Et autour de moi, bien sûr, les chroniqueurs historiques Antoine Ballet, Johan Guillet et Quentin Martel. On accueille également de nouveau pour cette journée spéciale Arthur Vincent et Chloé Julien. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, capitaine. Mais avant tout, faisons un tour de l'actualité sportive avec Chloé et Julien, justement. Le journal avec Chloé et Julien. Les titulaires, le journal des sports. Et ce midi, dans l'actualité sportive du tennis avec le tournoi de Roland-Garros, qui se poursuit avec les quarts de finale hommes et les demi-femmes, l'annulation du match amical Argentine-Israël, la sélection des Bleus face aux All Blacks en rugby, les derniers résultats de NBA et la troisième étape du critérium de Dauphiné en cyclisme. En tennis, au tournoi de Roland-Garros hier, on a eu des quarts de finale femmes. Simona Halep s'impose face à Angélique Kerber 3-7-1, 6-7, 6-3, 6-2. Elle sera affrontée à Garbiñe Muguruza, vainqueur de Maria Sharapova en 2-7, 6-2, 6-1. Le troisième quart opposait Putintseva à l'Américaine Case. L'Américaine se qualifie en demi en 2-7, 7-6, 6-4. Elle sera opposée en demi-finale à sa compatriote Stephens, qui a battu la Russe Kazatinska en 2-7, 6-3, 6-1. Les demi-finales féminines aujourd'hui n'auront pas lieu avant 15h puisque les quarts de finale hommes reprennent à l'instant. Ils ont été interrompus hier à cause de la pluie. Rafael Nadal était en mauvaise posture face à l'Argentin Schwartzman en concédant un set et Marin Cilic et Del Potro sont à égalité dans le premier set. Coupe du Monde avec les derniers matchs de préparation avant la compétition. Tout est presque prêt, sauf pour l'Argentine. Le match contre l'Israël a été annulé. Plus de détails avec Antoine Ballet. Et la compétition arrive à très grands pas, match d'ouverture dans une semaine. C'est le moment des derniers réglages pour les 32 équipes engagées. Deux matchs ont lieu ce soir. L'Angleterre, qui reste sur 5 matchs sans défaite, avec notamment des matchs nuls contre l'Allemagne, le Brésil et l'Italie, et deux victoires contre les Pays-Bas et le Nigeria affrontent le Costa Rica, vainqueur 3-0 de l'Irlande du Nord lors de leur dernier match. Autre rencontre dans la soirée, le Portugal affronte une Algérie en difficulté et absente du Mondial. Une polémique qui accompagne ces matchs amicaux, c'est au sujet de l'Argentine. Une rencontre amicale était prévue entre l'Albi Céleste et Israël à Jérusalem. Le match n'aura finalement pas lieu. La cause, une pression palestinienne sur les stars de la sélection argentine et notamment Lionel Messi. Les Palestiniens jugeaient qu'une rencontre amicale dans la ville sainte légitimerait les violences de l'État hébreu après le déménagement de l'ambassade américaine le mois dernier. Ils ont ainsi manifesté avec des maillots argentins tachés de faux sang à Barcelone, où s'entraînent les coéquipiers de Messi, et partout en Espagne. La fédération argentine a préféré ne pas prendre de risques et annuler la rencontre. L'AFA rentrera donc dans la compétition avec une seule rencontre de préparation, une victoire 4-0 contre Haïti jeudi dernier. Premier match officiel en Coupe du Monde de l'Argentine le 16 juin prochain contre l'Islande. Le calendrier de la Ligue 1 pour la saison 2018-2019 sort aujourd'hui. Le Parisien a déjà dévoilé plusieurs dates, dont le premier choc de la saison qui aura lieu la quatrième journée, le 2 septembre, et qui opposera Monaco à Marseille. Le premier classico OM-PSG aura lieu à Marseille le 28 octobre et le second à Paris le 17 mars. Cette nuit s'est déroulé le Game 3 des finales de play-off de NBA entre Cleveland et Golden State. L'occasion pour les coéquipiers de LeBron James de revenir dans la série qui était à l'avantage de Golden State, 2-0, Quentin Martel. Oui, Cleveland devait se racheter dans son antre qui n'est autre le Quick and Loan Arena. Après s'être fait battre sur les deux premiers matchs, les Cavaliers ont cette nuit perdu le troisième match de la série à cause d'un homme, Kevin Durant. Il a rappelé à tout le monde la raison pour laquelle il a choisi de quitter Oklahoma City pour Golden State en 2016, à savoir gagner des titres. Cette nuit, l'ailier a sorti le très grand jeu contre Cleveland au point d'offrir la victoire à son équipe 110 à 102, lui garantissant un regard de l'historique des finales au deuxième pour une bague de champion. Il est auteur de 43 points à 15 sur 23 au shoot, efficacité d'autant plus nécessaire que les Californiens n'ont jamais vraiment pu compter sur l'apport offensif de Stephen Curry, 11 points à 3 sur 16 au shoot, et Klay Thompson, 10 points à 4 sur 11. KD a alors assumé sa responsabilité d'aller chercher de précieux paniers, souvent dans les positions isolées, permettant ainsi à Golden State de rester dans le match après un départ un peu poussif. Du côté de Cleveland, eh bien, c'est toujours un petit peu le même refrain. LeBron James s'est encore senti un petit peu seul avec un triple-double à la clé. 33 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Un match plein malgré une moins bonne réussite qui est accompagnée cette fois-ci par un bon Kevin Love, 20 points et 13 rebonds. À part ça, le reste de l'équipe n'a pas su élever son niveau de jeu. Rodney Hood a mis 15 points en sortie de banc, mais ça n'a pas empêché les Warriors de s'imposer. Cleveland a compris que sa chance venait de passer et très probablement ses espoirs de titre avec. Il ne reste désormais plus qu'à sauver l'honneur à domicile demain. LeBron James, l'homme aux 8 finales consécutives en NBA, devra encore porter toute l'équipe sous peine de se faire sweeper en perdant la série 4-0. Le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, a annoncé la composition des Bleus qui affronteront la Nouvelle-Zélande samedi à Auckland. A noter le retour du demi de mêlée Morgan Parra, absent en sélection depuis 2015, ainsi que Max Médard, absent depuis 2016, qui seront présents face aux All Blacks. Hier, la formation britannique Sky a remporté la troisième étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre par équipe de 35 km. Aujourd'hui, la montagne arrive, Arthur Vincent. Michal Kwiatkowski n'aura pas tardé à récupérer son trône, seulement 24 heures après sa grosse chute et sa perte du maillot jaune pour une histoire de bonification. Le Polonais a profité de l'écrasante domination de sa formation pour retrouver sa tunique dorée au détriment de Daryl Impey. Comme attendu, la formation Sky a écrasé le contre-la-montre par équipe de 35 km entre Pont-de-Vaux et Louhans-Château-Renault. En tête à tous les intermédiaires, elle s'est imposée avec 37 secondes d'avance sur BMC, 52 sur Lotto-Soudal et 56 sur Michelton-Scott. Côté français, eh bien, l'équipe de Romain Bardet, AG2R la mondiale, a terminé à une belle 7e place. Ils perdent au final 1 minute 29 sur la Sky. Mais aujourd'hui, la montagne arrive. Le grimpeur français devrait donc retrouver un terrain à sa convenance. Une étape de 181 km entre Chazé-sur-Ain et Lens-en-Vercors. Au programme, 3 cols, dont un classé hors catégorie. En effet, le col du Mont-Noir, 17,5 km à 6% neuf de moyenne, devrait faire quelques différences au classement général. Réponse en fin d'après-midi. Et on a une pensée pour les proches de Francis Merici, âgé de 68 ans. Il est décédé. Il avait été champion des moins de 19, champion d'Europe. Et il avait notamment entraîné Griezmann en 2010. Il avait remporté le trophée UNAFP, meilleur entraîneur avec l'an avant Guingamp en 1995. On passe au tennis maintenant. Et oui, les carrés ont été interrompus hier par la pluie. Ils ont repris à midi. La grosse surprise est sur le Philippe Châtrier. Nadal qui perd un set à Roland-Garros, c'est un événement. Première depuis 2015 et son quart perdu face à Djokovic. Schwartzmann, le petit Argentin, a enlevé le premier set 6-4, mais l'Espagnol menait 5-3, 30-15 dans le deuxième avant de rejoindre les vestiaires et de reprendre. Ils ont repris maintenant. Dans 7 minutes, ils reprennent exactement. La question est simple, les amis. Je vais commencer avec toi, Arthur. Ouais. Schwartzmann, peut-il réaliser l'exploit? C'est compliqué. Je pense, moi, qu'il a... Il a perdu sa chance, entre guillemets, hier. C'est vrai que la pluie a remobilisé Nadal. Après, donc, il mène 1-7-0. Mais bon, c'est vrai que Nadal, ça reste Nadal. Je pense que malheureusement, pour lui, aujourd'hui, ça va être très compliqué. Nadal, c'est la première fois qu'il perd un set depuis plus de 3 ans. Donc voilà, ça veut dire quelque chose. Je pense que Nadal va quand même passer aujourd'hui. Et Nadal en 5-7, c'est quasiment impossible, surtout à Roland-Garros. C'est un exploit qui serait immense. Déjà, prendre un set à Nadal, c'est un exploit sur Roland-Garros, tu l'as dit, ça fait 3 ans qu'il n'avait pas pris de set. Sauf qu'on a vu quand même que Schwartzmann n'a pas pris le set par hasard. Il était supérieur dans le jeu à Nadal, avec notamment une grosse agressivité sur son coup droit, ce qui est un petit peu le point faible de Nadal au final. C'est un très bon défenseur, mais dès qu'on commence à mettre vraiment de l'agressivité en fond de court, c'est là qu'il est un peu plus en difficulté. Et le problème de Nadal aussi, c'est que quand il commence à être un peu en dedans, à s'agacer, c'est là qu'il est prenable. Et donc ça sera à Schwartzmann en fait de faire douter Nadal. S'il réussit à le faire douter, c'est bon. Si par contre Nadal reprend le dessus et s'il sent qu'il reprend le dessus, c'est terminé, ça va se finir en 4-7. Je pense que si le match ne s'était pas interrompu hier, Nadal aurait pu perdre un petit peu les pédales, parce qu'on le voyait fatigué. La pause lui a fait énormément de bien et je pense qu'aujourd'hui il va revenir avec encore plus d'objectifs, plus de détermination. ce qui va leur permettre de passer. Surtout que c'était un match assez décousu, hein. Beaucoup de breaks, 6 breaks, 7 breaks je crois en tout, même un peu plus maintenant avec le 5-3. Il me semble qu'on est monté à 9. Hein. 9 breaks. C'est gagner son jeu de service qui est important dans ce match. C'est assez incroyable. Donc il y a aussi Cilic et Potro, on en parlait, les deux cogneurs se tenaient 5-5 dans le tie-break du premier set au moment de l'interruption. Et la demi-finale qui aura lieu donc vendredi, ça sera Team Cecchinato. C'est la première demi-finale, c'est celle qu'on connaît. Et voilà, l'Italien qui a notamment éliminé Novak Djokovic. Les demi-femmes ont lieu juste après les caroms. Ce sera pas avant 15h. Alep a éliminé Kerber en quart de finale. Et Muguruza a éliminé Sharapova. Ça sera la première demi-finale. Alep-Muguruza, un gros choc. Et ensuite, ça sera en bas de tableau, ça sera une demi-finale 100% américaine. En tout cas, la relève est assurée. Après Serena Williams, ça sera Madison Keys face à Sloane Stephens. Une bonne nouvelle pour le tennis français hier quand même, avant la pluie, la qualification en demi-finale de la paire Mahut-Herbert. Les deux hommes seront opposés au tour suivant à la paire Medkic-Peya. Et il y a Pierre Herbert qui s'est exprimé sur le manque de présence française en deuxième semaine. Pour lui, il faut relativiser. Il y a aussi Stéphane Houdet ou d'autres Français, même en junior, qui sont encore en course. Donc c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il n'en reste plus parce qu'ils regardent que le simple. Mais ceux qui connaissent un peu le tennis savent qu'on est encore là en double et ils viennent nous encourager. Donc on prend le positif. Et si le ciel est gris porte d'Auteuil, il l'est aussi pour le tennis français. Cette édition reste extrêmement décevante malgré la demi de Pierre Herbert avec Nicolas Mahut. La seule représentante française en deuxième semaine, c'était Caroline Garcia, mais qui n'a pas tenu son rang en fait de tête de série numéro 7. Elle était protégée, mais elle est tombée sur plus forte qu'elle en la personne de Kerber. Aucun Français en huitième de finale, une première depuis 11 ans, Johan. Ah mais totalement, mais c'est hallucinant. Et pour réagir à ce qu'a dit Herbert, c'est un petit peu la vraie fausse excuse de dire oui, mais il faut regarder ailleurs, il y a les doubles, il y a les juniors. Effectivement, on va s'intéresser à tout, mais d'un point de vue tennis simple, ce n'est pas bon du tout. Il y a deux problèmes pour moi en France, c'est le mental. On a une tendance à la jouer petit bras, je trouve, en France. Ce n'est vraiment pas bon et cela se traduit souvent par deux types de matchs. Soit une raclée, soit un match qui est sur le point d'être gagné et qui finalement est perdu. Je pense notamment, pour prendre un exemple, à mon fils contre Nishikori au dernier JO, où il menait au tie-break, il avait 4 balles de match et il a perdu 6 balles d'affilée et il perd. Et le problème, c'est également le mental. Au-delà du mental, je pense que c'est nous qui faisons en sorte que ces joueurs français aient ce caractère. On starifie totalement nos joueurs dès le plus jeune âge. Tsonga, première finale, il s'est retrouvé à faire des publicités partout, on l'a vraiment mis au statut de star. Je pense que dès qu'il y a un bon parcours, nos joueurs, on les met un petit peu trop haut, on les met sur un piédestal. Il faudrait peut-être parfois savoir garder l'honneur, on voit beaucoup ça également dans le monde du football ou même ailleurs. Il faudrait peut-être qu'on apprenne un petit peu à faire attention à nos joueurs, à ne pas les mettre tout de suite dans le grand bain et à les laisser un petit peu mûrir. Chloé ? Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de formation aussi en France parce que c'est quand même le deuxième sport français en nombre de licenciés. Il y a très peu de temps, ils ont supprimé le Pôle France INSEP, ils ont réduit les effectifs au Pôle France Poitiers, alors que c'est vraiment des choses qui sont importantes dans les sports individuels. Je vais prendre l'exemple de l'athlée ou du judo. Dans ces sports, le Pôle France est vraiment important et le fait de supprimer ces Pôles France, ça nuit aussi à la formation des joueurs. Et Arthur, tu voulais réagir ? Ouais, moi je voulais réagir parce que je vais reprendre les propos un peu de Johan. C'est vrai qu'on l'a vu aussi à Roland-Garros, mon fils, il a 4 balles de match contre Gauffin. Exactement. Il n'arrive pas à conclure. Au bout d'un moment, moi il y a un exemple frappant qui me revient, c'est Tsonga quand il bat Federer en quart de finale. Je crois que c'était en 2012. Il devait affronter David Ferrer en demi-finale. Tous les journalistes parlaient déjà de la finale contre Rafael Nadal. Et voilà, il s'est fait éclater en demi-finale. Je pense qu'il y a vraiment un souci en France, c'est pas possible. On a 10 Français dans le top 100, d'accord ? Aucune nationalité n'a plus que nous. C'est incroyable qu'il n'y ait au jour d'aujourd'hui aucun Français dans le top 15. Et les performances sont quand même... Mais pour moi, c'est catastrophique ce qui s'est passé à Roland-Garros. Il y avait plus de 17 Français, je crois. Non mais... on n'a pas passé une semaine. Enfin, moi, ça me sort de mes. Après, pour rappeler, on est allé au troisième tour. Je vois ça. Au troisième tour, donc mon fils s'est fait éliminer par Gauffin. Tu le disais avec des balles de match. Alors, il était malade depuis le début du tournoi. Il a quand même réussi à dire il fallait que Gauffin vienne me chercher. Gauffin. Est-ce que c'est pas une excuse pour s'enlever de la pression? Ah, c'est possible. Les Français se voient beaucoup trop beaux. Excuse pour trouver une excuse, tout simplement. C'est faut arrêter. Je suis malade. J'ai mal à la cuisse ou autre. Non, faut arrêter. Au bout d'un moment, soit tu assumes et tu vas sur le terrain, soit si t'as mal, tu viens pas. Exactement, c'est vrai. Et Gasquet, par exemple, s'est fait éliminer par Nadal. Bon là, pas de chance. C'est pardonnable. Pas de chance. Nadal au troisième tour. Et Pouille aussi. Pouille, c'est la déception. Il était tête de série numéro 16, donc devait aller était protégé jusqu'en huitième de finale, mais il a été éliminé au troisième tour par Kirchanov. Et il a notamment dit, c'est probablement le fait que je me mets beaucoup de pression, j'attends beaucoup de ces tournois. Du coup, j'ai peut-être un peu de mal à mettre mon jeu en place. Je n'ai pas forcément une explication rationnelle à cela. Oui, enfin, il y a de la pression, mais il y a autre chose aussi, c'est qu'en France, on n'a pas cette culture de la gagne, en fait. Le niveau de tennis, on l'a. Ça, c'est pas un problème. On a des joueurs qui sont très talentueux, mais on n'a pas la grinta, la niaque. C'est là, en fait, que le bail blesse, c'est que on ne sait pas inculquer une culture de la gagne, parce que le talent, c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui fait gagner un tournoi. L'esprit Coubertin, l'important, c'est de participer. Oui, très bien, sauf que c'est pas ça qui fait gagner des compétitions. Non, et puis surtout, on se voit beaucoup trop beau pour ce qu'on est. C'est que aujourd'hui, tu prends Joe Wilfried, son gars, il fait un très bon match. Bah, derrière, il va se croire tout feu, tout flamme. Il va dire, c'est bon, je peux le remporter. Alors qu'en fait, non, c'est de la rigueur, c'est du travail au quotidien. Et c'est ce qui fait les champions. Et le problème, c'est qu'on voilà, on n'a pas cette mentalité. Et on est aussi, je pense, paralysé par tout ce qui nous entoure, par les papiers qui parlent des sportifs ou autres, donc voilà, on n'est pas assez solide mentalement. Ouais, tu disais, on se voit trop beau. Il y a le DTN, Pierre Chéret, qui a déclaré à propos de Lucas Pouille. Lucas a 24 ans, ça sourit un peu moins depuis un an. Il avait peu gagné ces derniers temps. Il ne fallait pas s'attendre à un grand Roland-Garros, mais je ne suis pas inquiet. Chaque pays adorerait avoir son Lucas Pouille. Moi, je préférais avoir Dominique Thiem, par exemple, ouais. que Lucas Pouille. Oh, c'est débattable. Hein. mais voilà, on a fini avec la page tennis. On va tout de suite passer au foot. J-7, une semaine avant la Coupe du Monde et le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite. Et pour patienter, le calendrier international est rempli. 32 équipes engagées peaufinent leur préparation pour la plus grande des compétitions dans des matchs amicaux. Hier soir, par exemple, c'est la Belgique qui a disposé de l'Égypte 3-0, mais les Pharaons sont toujours privés de Mohamed Salah, blessé en finale de la Ligue des Champions par Sergio Ramos. Ramos, défenseur de l'Espagne, Arora fait partie des grandissimes favoris, au même titre que l'Allemagne ou le Brésil, et même la France, selon certains. David Berger est avec nous. Alors, est-ce que vous avez un favori, David, pour cette Vous les avez cités. De toute façon, on retrouvera les grandes nations, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne. La France, oui, fait partie des gagnants potentiels. Ça ne se joue à pas grand-chose à la fin. Il y aura évidemment une surprise. Il y a un gros qui sera sorti. Ce sera peut-être l'Argentine. Ça sera peut-être l'Espagne, j'en sais rien. Mais voilà, on retrouvera ces équipes-là. Le but, c'est d'aller minimum en quart de finale. On va dire qu'en demi, après, ça se joue au mental. Vous en avez beaucoup parlé du mental. Ce sera au mental que ça se jouera, une demi-finale. Puis après, pourquoi pas aller au bout. Ce qui est bien, moi, les motifs d'espoir, d'optimisme, c'est qu'il y a des grands talents dans cette équipe de France. Il y a des joueurs top mondial. Mbappé, Griezmann, Umtiti, Kanté, évidemment. Donc là, déjà, ça nous permet d'espérer d'aller, pourquoi pas, dans le dernier carré. Et puis, c'est un groupe qui vit très bien. Ça, c'est important. On rappelle toujours qu'on ne sélectionne pas les 23 meilleurs Français. On sélectionne 23 joueurs qui sont capables de vivre ensemble pendant un mois. Et l'ambiance, elle est très bonne. L'état d'esprit est bon. Ils ont envie d'aller au bout. Donc voilà, croisons les doigts. Et on est confiant aussi pour la phase de poule. La phase de poule, très franchement, ça, je vais répéter une phrase qu'on répète très souvent. Si on n'est pas capable de sortir le Pérou, l'Australie, le Danemark, bon, bah, autant rentrer direct à la maison. Bah, c'est quand même une Coupe du Monde, on ne sait jamais. Oui, non, mais il faut finir premier. L'idéal, c'est de gagner. À une époque, on disait ça, 2002, 2010. Demandez à l'Italie, l'Angleterre et l'Uruguay quand ils ont eu le Costa Rica. Le but, c'est de gagner les deux premiers matchs et puis après de faire tourner pour le troisième. Exactement. Voilà. Mais après, c'est Argentine-Croatie. Il faut finir premier en se disant que l'Argentine va finir également première. Puis après, il y aura la Croatie. C'est pas simple, mais bon, voilà, c'est faisable. C'est faisable. Et parmi les grands favoris, donc, j'ai cité l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne. Ils ont fait quelques matchs amicaux. Pas forcément c'est grandiose pour les équipes. L'Allemagne a perdu 2-1 face à leur voisin autrichien. Le Brésil, par contre, a gagné 2-0 face à la Croatie avec notamment un magnifique but de Neymar qui va revenir et qui revient bien. Et un but de Firmino. Et l'Espagne a fait 1-1 contre la Suisse. La Suisse, j'ai l'impression que ça fait match nul à chaque fois. Quoi qu'il arrive, c'est ça match nul. Ça ne fait que passer. La Suisse, ça passe dans une compétition, puis on a tendance à l'oublier. Exactement. Bah, on va parler de l'équipe de France. Hein. C'est peut-être, selon les bookmakers, c'est la quatrième équipe. Favorite. Ravi. Après quoi ? Après le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne. Après le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne, oui. Et derrière, il y a l'Argentine, etc. Donc ça pourrait faire un gros choc en huitième de finale. La France, vous avez suivi les matchs amicaux, j'imagine. Oui, même avant. Donc, on va parler, par exemple, du match de l'Italie. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre attaque ? Il faut chercher déjà le schéma tactique. On a trouvé peut-être un nouveau schéma tactique avec ce 4-3-3, avec Griezmann en faux avançante peut-être, Mbappé, Dembélé. Moi, j'aime beaucoup. C'est une équipe qui a beaucoup séduit ces deux flèches que sont Dembélé et Mbappé. Griezmann, qui est le patron à la fois de l'attaque et du milieu de terrain. Oui, on a dû trouver ça. Je pense que ça va varier. On va avoir plusieurs schémas tactiques. Il ne faut pas oublier Giroud, qui a quand même systématiquement joué. Mais dans ce schéma-là, ce n'est pas possible. Voilà, il y a plusieurs formules. C'est ça qui est intéressant. Après, en face, il y avait l'Italie qui est en pleine reconstruction. Ça a été une victoire plutôt aisée. Mais c'est un bon sparring partner. Quoi. Quentin. Disons que ça va dépendre aussi de l'adversaire que tu as en face. C'est-à-dire que Griezmann et Mbappé, c'est très bien pour la vitesse, pour déstabiliser les défenses. Après, si tu tombes sur des défenseurs vraiment rugueux, c'est mieux d'avoir un pivot qui monopolise les deux défenseurs centraux pour qu'après, tu aies Griezmann en électron libre qui puisse tourner autour. Ça va dépendre du système de l'adversaire. Après, voilà, c'est une option supplémentaire qui offre aussi la possibilité encore plus à Griezmann de devenir le vrai patron de l'équipe de France. Parce qu'on a ce problème-là, hein, c'est qu'aujourd'hui, clairement, sur le terrain et en dehors, on n'a aucun patron en équipe de France. Et je pense que c'est là encore où sont les incertitudes. Ouais, pour revenir sur le côté purement tactique, le 4-3-3 contre l'Italie était bien, mais parce que c'était l'Italie aussi qui était d'une faiblesse défensive horrible, avec un schéma défensif que je crois que même eux, ils n'ont pas compris. Et bizarrement, d'ailleurs, dès que des joueurs un peu plus consistants sont entrés, je pense notamment à Florenzi, on a eu beaucoup plus de mal à attaquer. Cette attaque avec Mbappé, Griezmann, Dembélé, sur le papier, c'est très bien, c'est excellent, sauf qu'il faut aussi que ça construise derrière et que les ballons arrivent jusqu'à Griezmann. Et en fait, cette attaque, elle est très bien, mais elle dépend énormément du reste de l'équipe. J'ai beaucoup plus aimé, par exemple, l'animation offensive qu'on a vue contre l'Irlande, avec ce 4-3-1-2, Fekir en 10, qui fait vraiment la transition milieu-attaque, Giroud en point d'appui, Mbappé qui part en flèche. Là, il y a une vraie cohérence tactique, une vraie construction des actions qu'on a vues, alors que contre l'Italie, c'est balance devant et démerdez-vous. Quoi. Donc, et le 4-3-3, c'est très séduisant. Ce qu'il y a, c'est qu'on reproche à Griezmann, Mbappé, Neymar de ne pas défendre. Donc, est-ce qu'on peut arriver à imposer notre jeu et se contenter finalement de 7 défenseurs, 7 joueurs en tout cas qui vont défendre quand ils n'ont pas le ballon, ou est-ce qu'il faut revenir à une formule, un 4-4-2, où il y a beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de discipline. Je pense qu'il y a deux équipes de France, il y en a même 3 maintenant, il y en a une contre les équipes faibles, donc contre l'Australie, contre le Pérou, peut-être le Danemark, et puis après contre les grosses équipes, où là il faudra être beaucoup plus discipliné. Et je vous rencontre, par exemple, avec Dembélé, Mbappé, Griezmann. Est-ce qu'on va faire le jeu ou est-ce qu'on va subir? Je pense qu'on a plus quand même l'intérêt de faire le jeu. Après, effectivement, il faut voir contre quelle équipe. Quoi. Exactement, si on tombe sur l'Allemagne, ça risque d'être compliqué. Ou l'Espagne? Alors, on a gagné contre l'Allemagne, on a gagné en Allemagne même. Donc, il y a déjà un petit ascendant psychologique. Puis c'est comme ça qu'on se fera respecter aussi. Si déjà, de base, tu n'imposes pas ton jeu, tu ne peux pas te faire respecter auprès de l'adversaire. Donc, du coup, après, forcément, tu subis et psychologiquement, c'est beaucoup plus dur aussi. Enfin, après l'Allemagne, si on les rencontre, si les deux équipes finissent premier de leur groupe, on les rencontrera en finale, hein. On ne sera pas sur la même partie de tableau. Et après, pour revenir à Giroud, moi je trouve que Giroud, il va être très utile en phase de poule. Mais après, je pense que dès qu'on va tomber contre des équipes qui vont avoir la possession, je pense que là, la contre-attaque peut marcher avec la vitesse de Griezmann, Mbappé, Dembélé. Je pense que là, on peut faire très mal, un peu comme à l'Euro 2016 quand on avait éliminé l'Allemagne. On s'est fait dominer tout le match et pourtant on a gagné 2-0. Johan. Puis en ce moment, la mode est un petit peu à la contre-attaque, j'ai envie de dire. Quand on voit le style de jeu du Real ou le style de jeu du Portugal à l'Euro 2016, on voit que laisser l'équipe dominer, on va dire, de manière territoriale et contrer derrière, surtout quand on a des flèches devant, ça peut être totalement excellent. Ça permet de gagner des titres. Et honnêtement, quand on a un tel talent devant et notamment une telle vitesse, je pense également à Liverpool cette saison qui, avec Salah et Mané, avait deux flèches sur les côtés et n'ont pas arrêté de jouer en contre-attaque. Contre-attaque même pas placée, contre-attaque un peu en folie, j'ai envie de dire. On a vu un très beau parcours également et je pense que c'est un petit peu le style de jeu qui en ce moment est à la mode et qui pourrait parfaitement embêter l'Espagne ou l'Allemagne, vraiment. Et pour jouer ce système de contre-attaque, il faudrait peut-être des joueurs agressifs qui vont vers le ballon. Et est-ce qu'il y en a en équipe de France? Le problème, il est là, c'est que pour jouer la contre-attaque, avoir des joueurs rapides et offensifs, c'est très bien, mais il faut penser aussi à récupérer le ballon pour la lancer, cette contre-attaque. Parce que N'Golo Kanté, par exemple, est le joueur parfait, sauf que le problème, c'est que quand on a un Paul Pogba qui est un peu moins en forme, quand on a un Tolisso qui fait très bien des passes latérales, mais qui parfois avancer vers l'avant, c'est un peu plus compliqué, il faut aussi penser à ça. Et surtout, moi, je pense aux latéraux. Parce que autant avec Benjamin Mendy et Djibril Sidibé, on sait qu'on a des bons contre-attaquants, mais c'est derrière qu'on a plus à s'inquiéter. Et c'est pour ça, justement, je fais le parallèle. Il y a un équilibre à trouver quand tu prends Pavard et Hernandez, ce sont des joueurs qui sont beaucoup plus défensifs de base. Exactement. Dans leur jeu, dans leur propre style, qui sont beaucoup plus défensifs que Sidibé et Mendy. Donc après, si on veut jouer en contre-attaque, je prends le problème des latéraux, ce serait plus logique de jouer avec Mendy et Sidibé. Après, tu as une autre alternative, c'est-à-dire que si tu veux faire bloc et avancer petit à petit, faire de la construction, pas forcément partir en contre-attaque, tu as deux options avec Pavard et Hernandez. Si je veux jouer en contre-attaque, je joue pas avec Sidibé, moi, personnellement. De base, je joue pas avec Sidibé du tout. C'est un avis, mais en contre-attaque, justement, je joue pas avec Sidibé parce que qui dit contre-attaque, on sait que mine de rien, les latéraux sont vachement offensifs sur les jeux de contre-attaque parce qu'on leur demande beaucoup de dédoubler et on connaît, on va dire, les petites galères de Sidibé à revenir défendre et à laisser parfois des trous assez énormes. Surtout donc, avec Mbappé dans son c'est côté, ça, je ferais peut-être justement plus confiance à Pavard pour un style de jeu basé sur la contre-attaque. Est-ce qu'il n'est pas là le point faible? Non, mais je le trouve super dur. On a des super latéraux, franchement, Sidibé, Mendy, c'est du très costaud, il faudra voir Sidibé physiquement. Après la récupération, vous avez Kanté, vous avez Tolisso qui est un chien sur le terrain, vous avez Matuidi qui sort quand même d'une très très belle saison avec la Juve, et puis Lucas Hernandez, excusez-moi, mais le dernier match, on l'a vu tout le temps devant. Donc Lucas Hernandez, je pense qu'en plus il a la niaque avec l'Atlético. Pavard est plus qu'un, on disait, défenseur central. Moi, je l'ai trouvé très très bon également dans les montées. Donc voilà, au milieu de terrain, il y a des joueurs pour récupérer. On partira, c'est sûr, avec Mendy et Sidibé. Ça, c'est clair, sauf après s'il faut faire tourner ou s'il y a un petit pépin physique. Mais moi, je ne suis pas inquiet sur le travail des latéraux qui vont monter. C'est voilà, je pense que c'est une équipe vraiment complète. Je vois pas de gros points faibles. On pouvait citer Nzonzi, mais qui sera de toute façon la doublure de Kanté. Je pense que si tout le monde on avait décidé de faire une liste, bon, c'était allez à deux près, c'était ce qu'on choisissait normalement. C'est vraiment à peu près ça, oui. Par contre, je trouve quand même, je vous trouve peut-être un petit peu tendre avec Sidibé. Que je trouve vraiment, je l'ai beaucoup défendu. C'est un joueur que j'ai beaucoup défendu et qui apporte beaucoup offensivement. Mais sur le repli défensif, je trouve que c'est un joueur qui a pas mal de mal. Et Antoine le soulignait tout à l'heure, on a Paul Pogba qui, lorsqu'il est en pleine forme, peut faire un match vraiment merveilleux. Et je pense qu'on attend tous que Pogba soit quand même titulaire parce qu'on sait que s'il sort un match merveilleux, c'est une autre équipe de France. Mais on a quand moi, même j'y crois moins. On Pogba. A cette peur. Ah bon ah non, Pogba pour moi, c'est un intermittent et qui n'a pas le niveau pour l'instant d'être dans le 11 de départ. Vous ne pensez pas qu'il peut élever un peu son niveau pour la Coupe du Monde? Mais s'il nous fait un éclair de génie à un quart d'heure de la fin, parfait. Mais titulaire, j'y crois pas trop, franchement. Moi, pour moi, aujourd'hui, Tolisso a plus de mérite à être titulaire aux côtés de Kanté que Pogba. Parce que je préfère quelqu'un qui a du chien, qui mange les ballons pendant 90 minutes plutôt que quelqu'un qui est capable de faire une fulgurance sur 90 minutes. Il est devant de toute façon. De toute façon, il est devant. Dans la hiérarchie, il est devant. Après, vous parlez des latéraux qui ne défendent pas. Roberto Carlos défendait. Marcelo, est-ce que c'est un très très bon défenseur? C'est un atout offensif énorme. Bon, voilà. Et on peut pas être un super latéral offensif et puis en même temps être extraordinaire défensivement. C'est compliqué. Ouais, c'est sûr, il faut être un peu complet, mais c'est l'avantage d'un Marcelo, par exemple, c'est qu'il sait que quand il monte, il y a Casemiro qui va couvrir derrière. Avec l'équipe de France, quand on a, par exemple, on met N'Golo Kanté en 6, très bien, je pense que c'est là qu'il est le meilleur, mais vu qu'il a été plutôt habitué à jouer dans un double pivot avec Leicester, c'est là qu'il a été utilisé, il n'a pas beaucoup joué numéro 6 cette saison avec Chelsea, du coup, il n'aura pas forcément ce réflexe, cette attitude de venir compenser parce qu'il est encore jeune, il n'a pas forcément l'intelligence tactique qui vient avec l'expérience. C'est là qu'on peut avoir des trous. Et pour revenir à Pogba, il faut qu'il soit plus simple, tout simplement. Pogba, c'est pas possible. Ah oui, en fait, le problème de Pogba, c'est que pourquoi il fait toutes ces fulgurances? Pourquoi on le voit faire 3 roulettes et tenter 5 frappes à 35 mètres? Parce qu'on l'a vu faire ça à la Juve sur des fulgurances, on l'a vu faire des gestes techniques partout, on s'est dit, ah, il est dingue techniquement ce joueur, il faut qu'il nous illumine un match. Sauf qu'il ne faut pas oublier que Pogba, ça reste un numéro 8. Le rôle d'un numéro 8, c'est récupérer un ballon normalement glané par la défense et le transmettre simplement aux attaquants, surtout quand on a le trio Griezmann, Mbappé, Dembélé. On en demande peut-être un petit peu trop à Pogba d'attirer la lumière sur lui, d'être la star, de briller, de faire des gestes techniques, des frappes de fou, sauf qu'il ne va pas nous sortir un but à 35 mètres tous les matchs. Il ne va pas nous effacer 5 défenseurs à chaque match, Pogba. Alors oui, je veux bien, maintenant, quand tu regardes la dernière interview qu'il a donnée, où lui-même réclame être la star de l'équipe de France, être le patron, il demande à l'être alors qu'il, pour l'instant, il n'est pas capable de l'être sur le terrain. De par ce qu'il sait faire, il a les qualités pour... Mais il n'arrive pas à s'imposer parce que justement, comme tu l'as dit, il veut trop en faire et du coup, il se perd dans ses principes, dans ses bases même. Mais après, comment vous expliquez? Moi, j'ai l'impression que Pogba, c'est un joueur qui ne progresse plus. Quand il est arrivé en équipe de France, mais si vous vous souvenez bien, mais c'était un monstre. Tout le monde, c'était déjà le nouveau Zidane, même s'il ne joue pas au même poste. Mais on attendait un grand Pogba qui allait porter l'équipe de France. Mais j'ai l'impression que depuis son transfert à Manchester, j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne progresse plus. Après, il a eu aussi cette année des soucis avec Mourinho. Mais en équipe de France, pour moi, j'ai l'impression qu'il est un peu nonchalant sur le terrain. C'est pas qu'une impression. Hein. Mais c'est un joueur très atypique qui est capable de d'éclat, mais dans la constance, il a du boulot. Et le problème, c'est que toute sa vie est comme ça. Il y a un reportage récemment. C'est un personnage, c'est une caricature de lui-même des moments. Alors, il est capable de faire des jolis gestes, mais je pense que dans la discipline, effectivement, cette année, c'était moyen pour s'accrocher avec Mourinho. Ça veut dire aussi que je pense qu'on l'a vu un peu trop beau. Je vais rejoindre un petit peu, même complètement, ce que disent David et Antoine concernant Pogba. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu la star qui a pris le pas pour l'instant sur le footballeur. On entend beaucoup parler de la Pogbance, par exemple, et de tous ces jeux de mots avec Pogba, qui déjà a commencé par Pogback quand il est revenu à Manchester United. En ce moment, c'est plutôt Pogban, d'ailleurs. Oui, voilà. C'est bon. Elle est excellente, Alexandre. Un point pour Gryffondor. Et c'est un petit peu le problème de la star qui prend le dessus. Ça me fait penser, pour moi, c'était à peu près au même âge, un petit peu à David Beckham, en Angleterre, où la star a vite pris le dessus, on va dire, sur le footballeur, et où on a eu un sentiment qu'il pouvait faire beaucoup mieux encore, même s'il était capable de réaliser de très belles choses. Et Pogba, c'est un produit marketing, quoi. C'est devenu ça un peu. Ça l'est même quasiment totalement aujourd'hui. Tout ce qui est Pogba, mine de rien, qu'on le veuille ou non, Pogba fait vendre. Pogba rapporte de l'argent à l'équipe de France et à Manchester United. Et j'aimerais bien qu'on parle d'un autre joueur, un gardien de but, Loris, qui a enchaîné un petit peu de boulettes cette année avec Tottenham. Et il est peut-être pas si irréprochable que ça sur le but de l'Italie, sur le coup franc de Balotelli repoussé. Et c'est Varane qui s'exprimait sur le cas Loris. Ça dépend quel match on regarde de sa saison. Je pense qu'il a fait des très bons matchs aussi, notamment dans des matchs importants. Maintenant, tout le monde a le droit aussi à l'erreur et surtout, voilà, en match. Là, on est en match de préparation. Faut pas tirer de conclusions. L'important, c'est la compétition et ce qu'il faut là, c'est tous ensemble monter en régime. L'important, c'est la compétition, c'est ça? Ouais, l'important, c'est la compétition. Après, bon, certes, il n'a pas fait une énorme saison à Tottenham. Il a fait deux, trois boulettes. Mais bon, enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera titulaire à la Coupe du Monde. Quoi. Enfin, on ne va pas changer à une semaine du début de la Coupe du Monde. On ne va pas mettre Mandanda. Areola, on peut y aller. Hein. Non, mais voilà, il faut être sérieux. Ça fait 5-6 ans qu'il est titulaire en équipe de France, même plus. Je ne vois pas pourquoi. Même plus, ouais. Bah oui, non, mais je vois pas pourquoi on changerait maintenant à se dire, enfin, le débat, il n'y a pas de débat, ce sera Lloris dans les buts, quoi qu'il arrive. Il a raison, mais il y a débat pour nous tous, pour tous les amoureux du foot, il y a débat. On se dit que Mandanda est peut-être meilleur, sauf qu'en équipe de France, il y a une vraie hiérarchie. Il y a un, deux et trois, et ça ne change pas. Et surtout donc, que... voilà, c'est absolument pas dans l'esprit de Didier Deschamps et de Franck Raviot, qui est l'entraîneur des gardiens, de modifier cette hiérarchie. Donc Lloris, effectivement, a fait une saison moyenne, a fait des grosses boulettes. Moi, j'ai toujours en travers de la gorge sa boulette contre la Suède, qui aurait pu nous coûter la qualification. Oh là là. C'est après, si on raisonne en termes de compétences, Mandanda est peut-être meilleur, de potentiel, Mandanda est meilleur, mais ça ne bougera pas. Et Arthur ? Oui, c'est ça. Effectivement, Lloris sera numéro un jusqu'au bout. Ce qui m'a inquiété, pour rebondir un petit peu sur la boulette de Lloris face à la Suède, déjà la boulette en soi fait mal. Ce qui m'a fait peur derrière, c'est sa réaction où il dit « j'en ai fait et j'en referai ». Ça, c'est le genre de réaction qui me fait un petit peu peur quand on est gardien de l'équipe de France titulaire pour la prochaine Coupe du Monde. C'est plutôt, et le problème en plus, c'est que bah, il s'est donné raison parce que depuis 6 mois, il les enchaîne un petit peu. Après, ça a dit Mandanda en a fait. Mandanda oui, également en a fait. Tout récemment. Et totalement. Et Areola a fait une saison assez bonne concrètement, mais il peut mieux faire encore. Ouais, ouais. Le truc, c'est que Lloris, pour moi, reste quand même un gardien qui, globalement, c'est pour moi, est sous-coté. Je pense que c'est un gardien, comme il n'a pas le palmarès qu'il faut, et je crois qu'il est quasi vide, je crois qu'il n'a que le trophée des champions et la Coupe de France avec Lyon, c'est quand même un gardien qui, pendant très longtemps, on en avait parlé, Tottenham n'avait pas une défense exactement si exceptionnelle que ça auparavant, et Lloris a fait des matchs vraiment incroyables. Ouais. Et depuis que Tottenham a trouvé une défense vraiment solide, on a tendance un petit peu à sous-coter les performances de Lloris qui a fait des gros matchs également cette saison, des très très gros matchs même. Puis Tottenham n'est pas le club le plus reluisant d'Angleterre. Et top 4 quand même. Top 4, oui, mais dans l'esprit des gens, il y a quand même Liverpool, Arsenal, Manchester United. Après, Lloris, quand il part de Lyon, je pense, parce qu'il est parti très tard, hein, il restait 2 jours de mercato quand il est parti à Tottenham, je pense qu'il visait peut-être un autre club, c'est pour ça qu'il n'est peut-être pas aussi respecté, on va dire, qu'un Neuer, qu'un De Rea, enfin voilà. Donc je pense que Lloris, C'est vrai, je rejoins Johan, il a fait, mais enfin, il a eu une vie pas facile à Tottenham. Si vous rappelez quand il est arrivé à Tottenham, il était remplaçant, quoi. Il était titulaire une fois sur deux. Ouais, et puis il est titulaire en Europa League et il fait déjà une boulette. Enfin, tellement il avait de pression, je pense. Et après, c'est vrai qu'il a enchaîné des saisons, mais incroyable. Après, voilà, cette année, il a eu une petite baisse de régime, on va dire, mais ça reste quand même un très grand gardien. Et s'il n'y en a pas un qui ne déçoit pas, c'est Antoine Griezmann. Hein. Antoine Griezmann, c'est le leader technique de l'équipe. Il fluidifie le jeu, joue simple, au service du collectif. Le joueur idéal pour le style du Barça, c'est Ousmane Dembélé, le Blaugrana, qui s'est exprimé sur la possible arrivée de son coéquipier en sélection en Catalogne. On n'en a pas parlé beaucoup avec Antoine, mais voilà, si Antoine vient au Barça, ce serait quelque chose d'exceptionnel. C'est parce que c'est un grand joueur. Un grand attaquant, et puis je pense qu'il va nous faire du bien. Et c'est Messi aussi s'est exprimé pour l'arrivée de Griezmann, et il n'est pas contre, il l'a dit, je l'ai toujours dit, il est facile de s'entendre avec les bons joueurs, et Antoine fait partie des grands joueurs, il traverse actuellement un moment exceptionnel dans sa carrière, il a ajouté que c'était un super joueur et qu'il veut être dans la meilleure équipe du monde, donc avec les meilleurs joueurs. Messi qui adoube Griezmann un peu, on sait que Messi est très influent dans le recrutement du Barça, pourquoi pas Griezmann à Barcelone, ça vous plaît ou pas? Bien sûr, ça fait rêver. Après, à la place de qui? Il est là aussi le problème. Dembélé. Dembélé, il est content qu'il vienne, mais s'il vient, Dembélé, ça oui, fait sûr. Il sortira. Après, pour l'instant, il y a un trio qui marche. Après, bien évidemment, ça peut être très bien. Après, aujourd'hui, le poste de prédilection de Griezmann, c'est poste de numéro 10 derrière l'attaquant. En faux 9,5. Ouais, 9,5, ouais. Donc, le problème, aujourd'hui, tu as Messi qui s'est installé à ce poste-là, qui sait très bien distiller les ballons, à Suarez notamment. Donc, tu peux pas le mettre à la place de Messi, donc du coup, si tu le mets en poste 10, son meilleur poste, il faut décaler Messi. Est-ce que ça sera la meilleure formule? Il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Non, mais c'est un faux problème, ça. C'est comme Fekir à Liverpool. C'est ça. On se dit, c'est pas possible. Il y a déjà les trois devant. Bah, ils changeront leur système tactique. Et Fekir jouera 10. Bah, Griezmann, ce sera pareil. Donc, ils changeront leur équipe à Barcelone. Je pense qu'on peut facilement lui laisser de la place. Ça serait fantastique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le temps presse, quoi. Et je crois que ça serait bien qu'il décide avant le début de la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde. Bah, ouais, donc il l'a annoncé. Une semaine. C'est ça. Faut que ça aille vite. Apparemment, ça s'agit vraiment du côté de Barcelone pour Antoine Griezmann. Et en soi, dans son style de jeu, c'est exactement ce qu'il faut au Barça. C'est un joueur qui est capable de décrocher pour récupérer le ballon. Et pas à la manière d'un Messi. Il est capable à la fois de le porter, de le streamer. C'est un profil qui est un petit peu similaire. Bon, bien sûr, on ne va pas comparer Griezmann et Messi. Mais dans le profil, dans le type de joueur, c'est un peu similaire. Après, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les deux peuvent jouer ensemble? Est-ce que Griezmann peut redevenir ailier? Parce que concrètement, s'il y en a un qui va bouger, de changer de poste et changer son style de jeu, c'est Griezmann. C'est pas Messi. On va pas lui faire changer son style de jeu au Barça maintenant qu'il est installé, bah et à la fin de sa carrière. Donc, par contre, si Griezmann arrive, il y en a un qui va peut-être se poser des questions, c'est Suarez. Oui, c'est parfait, je voulais rebondir là-dessus. on disait, tiens, qui va remplacer Griezmann, va remplacer qui sur le terrain? On a entendu Dembélé. Bah non, pour moi, Suarez. En fait, Messi, mine de rien, son poste préférentiel pendant longtemps, ça a été de jouer vraiment en pointe de l'attaque. Il aime bien ce poste-là. On sait qu'il y a eu quelques soucis avec. On sait bien qu'il y a eu quelques soucis avec Zlatan Ibrahimovic, notamment à ce poste, et également avec Samuel Eto'o. Pour moi, Messi devant avec Coutinho et Dembélé sur les côtés et Griezmann derrière Messi, ça serait exactement la tactique parfaite pour Barcelone, qui devra peut-être un petit peu densifier son milieu, on va dire le rendre un petit peu plus rugueux vu qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs. Mais Griezmann en soutien de Messi. Je pense que c'est exactement ce qui pourrait faire du bien clairement au Barça, vraiment. Et donc Dembélé out? Non, Dembélé sur un côté et Suarez out. Out. Ça m'étonnerait pas que Suarez soit vendu. Vraiment, je ne serais pas étonné de voir Suarez partir du Barça. Où ça? Retour en première ligue. Retour en première ligue. Si je suis Arsenal, je vais le chercher tout de suite. Il y a Lacazette, il y a Aubameyang. Attention. Hein. C'est vrai, mais Suarez Aubameyang, le choix il est vite fait pour moi. Mais surtout, ça dépend du style. Gros stat Aubameyang. On va passer à. On parlait de Fekir, c'est David Berger qui parlait de Fekir. Liverpool pour 70 millions, mais pour l'instant c'est un peu au point mort. Je pense que les parties sont d'accord, hein. De toute façon ça va se faire. Non, ça va se faire. Ça va se faire. Oui. Titulaire, donc en 10. Ah bah s'il est. Quand on dépense, même si aujourd'hui 60 millions c'est peut-être pas autant qu'il y a quelques années, mais quand même quand on investit 70 millions c'est pour en faire un titulaire. Donc, et comme on sait qu'il n'aime pas jouer sur un côté. Même si il va quand même être obligé de changer un petit peu son profil. Oui, je crois qu'ils vont l'installer comme la plaque tournante, comme le meneur de jeu de Liverpool. Et vous pensez vraiment que, pour vous, Liverpool est vraiment le club idoine pour Fekir? Qui peut lui donner les clés? Un grand club, Liverpool, c'est quand même un très grand club. Donc si on lui donne les clés comme il le souhaite, oui, c'est un bon endroit, la première ligue anglaise, pour continuer sa progression, bien sûr. Puis surtout, il sera sur Jürgen Klopp, qui sait très bien aussi gérer ce genre de cas. Des joueurs plus ou moins jeunes, mais qui ont besoin aussi de progresser. Il sait très bien faire éclore ces talents-là. Donc ça peut être aussi bénéfique pour lui s'il a du temps de jeu. Et dans le reste de l'actualité mercato, Arthur ? Oui, alors je suis allé fouiller un petit peu et j'ai pas mal d'infos. Alors déjà, on va commencer par le Real Madrid, messieurs. Qui va être le successeur de Zidane ? Donc il y a plusieurs noms qui circulent en ce moment. Hein. On a eu Pochettino, ses noms. Après, il y a eu le sélectionneur allemand Joachim Löw, ses noms. Et là, maintenant, il chercherait apparemment des anciens joueurs du Real. Alors on parle de Guti, apparemment jugé un peu trop tendre, mais on parle aussi de Michael Laudrup et également Fernando Hierro et Clarence Seedorf. Vous en pensez quoi, messieurs? Seedorf, il est déjà à la tête d'un club espagnol, hein, je crois, depuis le mois de février. Moi, je vois plus un Fernando Hierro, parce que c'est une institution, le Real Madrid, et donner les clés à quelqu'un qui connaît très très bien la Maison-Blanche, Hierro, ça serait pas mal. Après, il n'a peut-être pas énormément d'expérience d'entraîneur. Ouais, enfin, après, Zidane n'avait pas beaucoup d'expérience. Mais au moins, il entraînait déjà les jeunes, bon, et puis c'est Zidane. Mais Hierro, c'est quand même un symbole, ça serait une bonne solution. Il y a plein de jeux de poker menteur, hein. Il y a plein de joueurs plein de noms, je veux dire, qui circulent. C'est peut-être décidé d'ailleurs. Et Chloé, tu voulais réagir sur Zidane. Et maintenant que Zidane est libre, Zidane en sélectionneur de l'équipe de France, on y croit ? Pas tout de suite. Après le mondial. Après, non, moi je pense qu'il faut attendre, ils vont pas virer Deschamps, sauf si on est éliminé en huitième de finale ou au premier tour. Dans ce cas, effectivement, ce sera tapis rouge pour Zidane, mais Deschamps a quand même signé jusqu'en 2020. Ouais. Donc il faudra attendre, sinon l'Euro, peut-être après l'Euro 2020, oui. Pourquoi pas. C'est faisable. Qu'est-ce qu'il va faire pendant deux ans ? C'est ça. Ouais. Je veux bien le voir pendant un an ne rien faire. Deux ans, ça me paraît un peu long. Peut-être trouver un autre poste en Espagne ou alors en Première Ligue, qui lui aurait bien aussi de compléter un petit peu son palmarès avant de prendre l'équipe de France. C'est aussi possible. Il y a deux ou trois clubs qui peuvent engager Zidane, très franchement. Donc il n'a pas, l'embarras du choix, et en même temps, il y a peu de clubs qui vont oser venir titiller Zizou. On sait que ça ne sera pas le PSG, c'est impossible. mais même dans les années qui viennent. Et Marseille, c'est trop petit pour lui. Beaucoup trop petit. Et avant de passer à l'interview, je vais vous donner quelques scores en tennis. Nadal a gagné le deuxième set 6-3 et mène 5 jeux à 1 dans le troisième set. Et dans l'autre match, c'est Del Potro qui s'est imposé au premier tie-break. 7-5, il a pris les deux points et là, il y a 3-3. Donc voilà. Nadal a une chance insolente quand même avec la pluie. la pluie, ça l'aide beaucoup. On va tout de suite passer à l'interview. Les titulaires, l'interview. Et merci d'être avec nous, David Berger. Merci à vous. Donc on vous reçoit, vous êtes commentateur sportif sur Canal+, vous avez débuté sur France 3 Paris-Île-de-France, puis ensuite vous êtes passé au sein des rédactions d'Eurosport, de LCI. Un petit peu. LCI beaucoup. Et avant de signer à Canal définitivement en 96, c'est ça ? Oui, j'avais commencé à Canal en fait en 93, j'ai fait une petite année en pige là-bas pour l'émission Jour de foot, pour l'équipe du dimanche. Et puis après, quand LCI s'est monté, quand LCI, la chaîne info, s'est créée, effectivement, je suis parti un peu plus de deux ans là-bas. Et vous avez couvert les Coupes du Monde 98-2006 ? 98, ça reste un super souvenir parce que j'ai effectivement suivi et j'ai commenté aussi quelques matchs. Et puis j'étais la veille de la finale dans le camp de base du Brésil. Donc voilà, ça reste un grand souvenir avec aucune interview. On me mettait la pression, on me disait c'est pas la peine de revenir à la rédaction puisque t'as rien eu. Et puis sur les coups de 9h, 21h, 21h30, j'ai eu David. Et c'était Leonardo qui m'appelait et qui ne parlait pas depuis 3 semaines et qui m'a accordé une interview pendant une demi-heure. Donc je suis revenu pas bredouille. Et le lendemain, à la fin de la finale, Leonardo a pleuré dans mes bras. Parce que voilà, il se voyait tellement beau à l'époque, il croyait qu'ils allaient bouffer les Français. Et puis finalement, voilà, il y a eu ce qui s'est passé. Ils se sont fait bouffer. 3-0. Tout le monde s'en rappelle. Vous commentez les matchs de Ligue 1. On a un petit best-of. Il va y aller seul. Il va y aller seul. C'est un festival énorme. Exploit. Mohamed Dougnon qui était absolument seul. Falcao. Oh, c'est ça le génie. Et tentative de l'homme. Oh, c'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est frappe de Nabil Fekir. Vous savez combien de matchs vous avez à votre actif ou pas? Oui, oui, oui. C'est un peu plus de 1000, 1040, 1050 matchs. Ça va? Je tiens un jour ça. Ça voilà, un jour, j'ai eu l'idée de noter tous les matchs. Je n'ai pas mis les scores, mais avec qui je bossais aussi, avec quel consultant. Et donc, on en est à 1040, 1050. Et c'est une vocation depuis tout jeune, commentateur sportif? Je suis né à Saint-Étienne. Et donc, là-bas, ben, on vivait et on vit toujours football. Et donc, j'ai baigné là-dedans et je m'amusais à parodier les commentateurs de radio avec des jeux de foot dans ma chambre. Donc, déjà, je sortais les décibels dans ma chambre avec un petit jeu de foot où je hurlais chaque fois qu'il y avait un but et je faisais même un petit multiplex avec des voix différentes à Laval, à Strasbourg. et puis voilà, donc c'est un petit virus que j'ai chopé quand j'étais tout môme déjà. C'est ça, tout le monde fait. Nous aussi, on a fait ça. Ah bah on fait le petit jingle Canal+. Je faisais même les tirages au sort, moi. Je dans des boules Kinder et j'étais content. Officiel, hein, en plus. Vous avez des modèles en tant que commentateur? Vous vous êtes inspiré? M'inspirer peut-être sans doute de toutes ces voix dans les années 70-80, mais sans les parodier. Modèle, oui, évidemment, des Thierry Gilardi, parce qu'ils m'ont mis le pied à l'étrier, Charles Bietri, Michel Denisot, et puis on va dire plus récemment, il y a eu Balbir, évidemment, Denis Balbir, qui m'a aussi beaucoup aidé à percer dans ce milieu. Et puis bien sûr, plus récemment, Grégoire Margoton, quoi, qui est un pote et qui est pour moi celui qui est le plus constant, peut-être le plus professionnel de tous. Antoine, tu avais une question? Oui, je voulais vous demander comment on prépare un match, en fait, pour commenter un match de Ligue 1, parce que les gens voient souvent ce qu'il y a à l'écran, donc le moment où on parle, où on raconte, et on entend souvent, oui, c'est facile, on se met derrière un micro et on raconte, mais il y a une grosse préparation derrière. C'est une préparation infinie. Bon, moi, je travaille à Canal+, donc on ne se contente pas de commenter, de faire du descriptif et d'arriver les mains dans les poches. C'est une préparation très minutieuse et très fastidieuse. On se balade sur la toile, sur Internet, on cherche des informations sur toutes les équipes, sur tous les joueurs. Il est hors de question qu'un jeune joueur qui n'a jamais joué rentre sur le terrain et je ne sache pas son parcours. Donc voilà, c'est une préparation qui est infinie, qui ne s'arrête jamais et qui est au jour le jour depuis le début de la saison, tout le temps. Johan, vous qui avez commenté des Coupes du Monde, c'est que vous avez commenté également une finale, enfin plusieurs même, mais en 2006, à 2006. Comment on prépare justement une finale de Coupe du Monde 2006 où c'est la France qui est en finale et où c'est le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane? C'est le match le plus difficile à préparer, une finale de Coupe du Monde, parce qu'on est quand même avant tout supporter. Ça nous prend aux tripes, on sait que c'est la France qui est en finale, donc on ne commente absolument pas de la même façon. D'abord, on peut être partisan, c'est d'ailleurs la seule fois, à part si on travaille pour une radio, une télé locale ou d'un club, mais c'est quand même la seule fois où on peut être partisan. Il est hors de question de se dire on va être impartial et on va être pour l'Italie ou pour la France. Non, non, on est pour la France. C'est très dur à commenter. Moi, je m'en souviens encore, je suis arrivé 2 heures avant avec Aimé Jacquet, puisque je commentais avec lui, et je me disais, il faut que j'en profite parce que j'en vivrai peut-être jamais plus. Commenter une finale de Coupe du Monde, ça arrive à... Ben voilà, peut-être à une dizaine de personnes sur les 30 dernières années. Donc, j'essaie d'en profiter, mais je l'ai très, très mal vécu. C'est un match qui est très dur à commenter parce que vous n'étiez pas le seul. Voilà, ça prend aux tripes et voilà. Et c'était effectivement le dernier match de Zidane. Comme tout le monde, j'ai découvert le geste de Zidane avec les ralentis. C'est-à-dire que ça nous a totalement échappé en direct. Voilà. Mais c'est à la fois un très grand souvenir, mais un très mauvais aussi. Non pas seulement par le résultat, mais la façon dont on le vit, quoi. C'est très dur. Comme tout le monde, vous avez découvert le geste de Zidane. Vous voulez parler de l'arbitre? Oui, l'arbitre aussi. C'est la première fois qu'on a utilisé la vidéo. Je pense, voilà, oui. Absolument. Je pense. Donc, on va parler, bien sûr, de l'actualité de Canal, qui a perdu, malheureusement, les droits TV pour eux. Votre réaction quand vous apprenez l'info? Comme tous mes collègues, coup de massue, évidemment. Après... C'est dans 2 ans. Il y a encore plein d'inconnus. Il y a plein de choses qui nous échappent. Il peut se passer encore plein de choses parce que c'est pas une chaîne de télé qui a racheté les droits. C'est une société de production qui n'a pas de chaîne de télé pour l'instant. Donc voilà, il y a un jeu de poker menteur qui continue encore aujourd'hui. Voilà, donc à la fois la déception évidemment de ne pas, comme il y a 10 ans, mis 600 millions sur la table pour essayer de rafler. Il y a un contexte économique qui est difficile, mais il y a aussi voilà, l'interrogation que est-ce que Mediapro va monter une chaîne, va s'allier, va revendre. Pour l'instant, on ne sait pas, on le saura dans les mois qui viennent. Il y a toujours de l'espoir alors pour Canal ? J'espère qu'il y a de l'espoir, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est partenaire du foot, donc j'imagine mal un Canal Plus sans aucun match de Ligue 1. Quoi. Et on peut penser à l'Italie aussi, Mediapro qui avait racheté les droits de la Serie A et oui, qui les a perdus. Qui a été retoqué définitivement. Après, ce n'est pas tout à fait le même terme de contrat, ce n'est pas la même législation. Donc voilà, ce n'est pas trop surprenant ce qui s'est passé en Italie. Mais en France, on peut imaginer plein de choses. Une nouvelle chaîne, une alliance avec une autre chaîne déjà. Tout est possible. Et financièrement, Mediapro, c'est une ineptie de mettre autant sur la Ligue 1? Ben, je m'interroge effectivement sur la stratégie commerciale financière de cette chaîne. Quand j'entends on aura 3,5 millions d'abonnés et ça coûtera 25 €, donc là on rentre dans nos frais. Je retiens que beIN Sport la première année avait 1 million d'abonnés, avait pour un prix pas cher. Seulement la Ligue 1 mais aussi d'autres championnats et ça coûtait 10 €. Donc voilà, je m'interroge vraiment sur comment on rentabilise de tels droits, parce que ça représente en fait 3 milliards sur 4 ans. C'est ça. Donc voilà, il faut m'expliquer comment ils vont pouvoir rentrer dans leurs frais. Et puis on sait que Didier Quillot, donc le directeur exécutif de la LFP, avait annoncé qu'il désirait 1 milliard d'euros. Alors oui, il y a l'attrait Neymar, il y a l'attrait du PSG, mais comment on vend la Ligue 1, qui est quand même perçue souvent à l'étranger comme le cinquième championnat européen? Comment on vend la Ligue 1 Conforama à Mediapro? Ben oui, ils ont forcément envie de mettre en valeur la Ligue 1. Je pense que le problème vient des droits à l'étranger. Ça coûte que 40 millions aujourd'hui. On ne vend que 40 millions. Le championnat de France, c'est absolument pas normal. Alors que la Première Ligue, c'est plus d'1 milliard. Ah oui, c'est 1 milliard, mais il y a un juste milieu, justement. Je crois qu'on pourrait très bien vendre 300 millions à l'étranger, la Ligue 1. Ça ferait rentrer des sous dans les caisses. Donc voilà, on est très en deçà de ce que vaut normalement la Ligue 1. Ça ne vaut pas 1 milliard, mais ça ne vaut pas 40 millions à l'étranger. Puis les 1 milliard dépassés de Première Ligue sont tellement bien répartis entre les clubs qu'au final, chaque club peut faire des gros mercatos, ce qui fait que le championnat est assez énorme, ce qui ne sera pas le cas forcément en Ligue 1. On part quand même sur un top qui est vraiment au-dessus du reste des équipes. Or, en Première Ligue, on a toujours ce choix de se dire que le 15e peut battre le premier ou le deuxième sur un grand match. C'est là où la Première Ligue dépense vraiment bien son argent, vraiment. C'est ça, et puis surtout, c'est en fait les droits TV français, donc c'est national, hein, les Mediapro rachètent que national. Uniquement domestique. Voilà, c'est ça. Oui. C'est surtout les droits internationaux qui comptent. Et comme on l'a dit, la différence entre 1 milliard pour la Première Ligue et 40 millions pour la Ligue 1, est-ce que ça va rien changer en fait pour les clubs français? Bah si, parce qu'on passe quand même de 700 et quelques millions à 1 milliard 2, rien que sur le plan domestique. C'est, ouais, c'est 70% d'augmentation. Réparti entre les clubs. Ouais, mais quand même, c'est on peut concurrencer, on va pouvoir quand même avoir déjà. Il y a le PSG qui achète effectivement des grands joueurs, mais on se rend compte que Marseille, il y a tous ces clubs aussi qui sont rachetés. Marseille sous dominance donc américaine. Il y a peut-être Nice, Saint-Etienne, Bordeaux qui vont être rachetés. Après le but c'est d'être en Ligue des Champions. Là on s'est fait avoir en gros en France, c'est qu'il y a que 3 places en Ligue des Champions, alors que les gros se sont répartis les grosses parts du gâteau. Ça, il faudrait que ça change. Si, parce que effectivement là on voit que sur les 4, parce qu'il y en avait vraiment 4 qui se détachaient cette saison, il y en a un qui va se contenter de la Ligue Europa. Et financièrement là aussi l'attrait pour, on parlait de Suarez qui pourrait aller à Arsenal. Arsenal fait pas la Ligue des Champions. Je crois qu'aujourd'hui tous les joueurs, les top joueurs veulent faire la Ligue des Champions. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les clubs de Ligue 1 savent utiliser leur argent? Parce qu'on en voit qui ont des stratégies de recrutement qui ne sont pas forcément les bonnes, alors qu'au contraire, on a une formation qui est excellente. Est-ce qu'au lieu de donner de l'argent un peu n'importe comment, on sait que ça va se finir en des recrutements un peu rapides, des recrutements de fin de mercato? On pense à la Première Ligue également qui fait ça avec, je pense à Ndong qui avait été acheté 16 millions d'euros par Sunderland après une saison moyenne avec Lorient. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver un peu comme à faire ça, au lieu de vraiment mettre de l'argent dans les postes qui comptent, dans les stades par exemple, avec Amiens qui devrait servir de son argent pour rénover son stade, avec de la formation, est-ce qu'on sait utiliser l'argent en Ligue 1? Alors, pour les stades, effectivement, c'est une priorité. Pour la pelouse aussi, c'est une priorité. Oui. Il faut vraiment que les terrains en France soient tous de très bonne qualité. Après, moi, je dénonce un peu la frilosité, effectivement, des clubs, mais dans le but final. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, la plupart des clubs se disent non, c'est pas pour nous, c'est trop, c'est pas possible. La Ligue Europa, ah non, on peut pas la faire parce qu'on joue le jeudi, on va être crevé après. C'est absurde de ne pas essayer de concourir pour la 5e place, pour la 4e place et de jouer à fond cette Ligue Europa. On n'en a gagné qu'une. Hein. Non, même pas. Ligue Europa, 0. Donc c'est une aberration aussi. Je crois qu'il y a eu, deux finales gagnées en tout sur. Sur une dizaine. Bref, c'est aberrant. Donc essayons de jouer le coup à fond parce qu'on se demande quelles sont les volontés des clubs, les objectifs de tous ces clubs. Mais surtout Bordeaux et Rennes, on les voit. Voilà. Et justement, par rapport à ces nouveaux droits en Ligue 1, vous parliez tout à l'heure, il y a un instant même, du PSG ou de Monaco qui savaient dépenser. Qu'est-ce que vous pensez pour un club comme, par exemple, c'est même l'exemple criant, l'AS Saint-Etienne, qui fait un petit peu marche arrière avec la vente, Kayazo et Romeyer font marche arrière, notamment dû à ces nouveaux droits de la Ligue 1. Et les estimations disent que Saint-Etienne gagne à peu près 25 millions dans son budget avec ces droits-là. Est-ce que c'est suffisant pour un club du standing de Saint-Etienne pour recruter les meilleurs joueurs? Alors, ils ont fait machine arrière parce que aussi ils ont été un petit peu enrhumés par le fonds d'investissement américain. Au départ, ils voulaient à 40 millions, c'est rapidement tombé à 30 millions. Enfin, il y a eu quand même un peu d'intox de la part des investisseurs. Après, il ne faut pas se leurrer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un fossé énorme entre les quatre équipes, Paris, Monaco, Lyon, Marseille, et puis le reste. Saint-Etienne est en avance dans la gestion financière. Effectivement, il y a une très bonne gestion. Il y a eu ce fameux plafond des salaires plafonnés qui ont permis d'ailleurs à ce club à chaque fois de bien vivre chaque année, de ne pas avoir de problème avec la DNCG. Mais je pense qu'il y a quand même un monde d'écart avec les quatre gros, quoi. Et si on repasse sur Mediapro, si Canal perd tout, vous faites quoi? Je peux passer une annonce là, non? on verra bien. Mediapro vous écoute. On verra bien, voilà, appelez-moi. Il y a un champion. Non, mais après moi, je suis un amoureux de Canal, ça fait plus de 20 ans que j'y suis, mais peut-être que, il faut se dire que l'avenir, c'est dans 2 ans. Peut-être que j'irai travailler ailleurs, j'en sais rien. Ou peut-être que je ferai quelque chose de radicalement différent. Je serai commercial, je vendrai dans l'immobilier, j'ouvrirai une crêperie. On a le temps de voir. Il peut se passer plein de choses encore. Il y a un championnat qui vous fait rêver ou pas? Moi, je suis vraiment... Mon fonds de commerce, c'est la Ligue 1. Après, j'aime bien l'Espagne. J'aime bien le championnat espagnol aussi. Beansport, alors. Pourquoi pas? Quentin, tu voulais. Oui, et sinon, hormis. Si on part du principe que vous restez à Canal+, un autre sport que le football, ça serait intéressant pour vous? Pourtant, je n'ai pas parlé quand vous parliez de tennis. J'ai un peu commenté du tennis, donc pourquoi pas le tennis. Mais non, je ne suis pas. Enfin, rugby, sûrement pas. Je cherche les sports un peu majeurs, hein, Formule 1, boxe, basket. Non, je pense que je ne ferai qu'illusion. On va passer au face-à-face maintenant. Eh bien David Berger, c'est moi qui vais diriger ce face-à-face. Considérez que vous êtes le gardien et que je suis l'attaquant. Mes questions seront les frappes. Vous pouvez les arrêter ou les laisser passer. Vous me répondez comme vous voulez. Les questions seront assez rapides. Je vous demande des réponses assez rapides. Oui ou non rapides. Alors, c'est ça? Non, ça sera pas oui ou non. Ce sera des questions ouvertes. D'accord. Un but qui vous a marqué, que vous avez commenté? Un but qui m'a marqué, le dernier, on va dire, Fekir, de plus de 50 mètres. Le but dans les dernières minutes qui vous a fait rêver? Qui m'a fait rêver. Non, j'ai le souvenir, moi qui suis stéphanois d'origine, un but de Saint-Etienne contre Nice dans le temps additionnel où je me suis fait piéger parce que j'ai levé le poing et j'étais à l'antenne. Très bien. Est-ce qu'il y a une boulette de gardien qui vous a marqué? Loris contre la Suède. Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez adoré commenter? Mbappé. J'allais vous poser la question de la gaffe en direct, mais apparemment le point levé a répondu. Est-ce qu'il y a un match particulièrement qui vous a marqué? Oui, en fait, 2 matchs. J'ai eu la chance d'aller commenter un Brésil-Argentine et un Argentine-Brésil. C'est un autre monde et il faut le vivre. Est-ce que vous avez, à l'inverse, vécu un match bien ennuyant à commenter? Beaucoup plus qu'un seul. J'en ai vécu des sales 0-0. Vous allez sur mon Wikipédia, il paraît que j'ai la réputation légendaire, donc... Oui, de commenter vrai. Des 0-0, ce qui est archi faux. J'allais vous demander quel est le match le plus difficile à commenter pour vous. À une époque, c'était Saint-Etienne, ça n'est plus du tout maintenant. Voilà, une finale de Coupe du Monde, c'est dur. Et enfin, malgré ce que vous avez vécu comme match, est-ce qu'il y a un match que vous n'avez pas encore fait et que vous rêveriez de commenter ? Oui, peut-être une finale de Ligue des Champions. Allez. Merci David Berger. Merci. Avec un club français ? Ah bah oui, évidemment. Saint-Etienne. Eh ben voilà. Merci Yoann et merci surtout à vous et David Berger. Merci de votre accueil. Ça a été un réel plaisir de vous accueillir. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Donc, on espère que Canal récupérera les droits. Vous croisons êtes les doigts. De Canal. Des grands matchs, des grands buts. Et merci à les titulaires. C'est pas fini. On se retrouve très vite. Je vous laisse avec Valentin Le Guillou et Nathan Slama pour de la musique. À bientôt. Les titulaires avec Yoann Bredov sur StudéQueb.